rageux, marcher sur un fil, c'est tragique, finir dans un cirque, c'est mortel, suivre un carrousel. Pas la cracher à nos parapluies, y'en a qui marchent, d'autres qui s'ennuient, c'est juste en tombant qu'on partage le même cri. Si tout le monde payait sa place, on voit chaque dent ou perd la face. Quand le show est fini, je tombe toujours au bord du lit. C'est blessant, vivre en noir et blanc, quand t'as le cœur rempli de couleurs. C'est étrange, l'orchestre se mélange, c'est une parade. Cachés sous nos parapluies, y'en a qui foncent, d'autres qui s'enfuient. Tombés de si haut, on fait tous le même bruit. C'est comme marcher au-dessus d'un abîme.